Top Reportivel ce dimanche matin, dimanche 28 juin de 10h à midi, comme tous les dimanches sur Radio RTF 95.4 ou sur le www.rtflimoche.com. Je crois que ça marche plus, on a réglé les soucis. Enfin, ils ont réglé les soucis, moi j'ai pas fait grand chose. On a essayé du coup. Ouais, mais ça marche, le principal. Bon, alors on reprend cette intro et cette présentation. Comment ça va, Eric, ce dimanche matin? Ça va et toi? Ben oui, on est que tous les deux ce matin. Avec tous les deux. On a perdu. On le perd souvent, en tous les cas. C'est ça. C'est notre avant-dernière, puisque la dimanche prochain sera la dernière de la saison. Et on reprendra dès le mois de septembre, et en studio ou en extérieur. On est en train d'essayer de programmer quelque chose de sympa pour la prochaine saison. En attendant, vous pouvez pas nous appeler sur le studio parce qu'on n'y est pas, mais vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. On est présent sur Snapchat, le Snap du TDP. C'est le TDP RTF 95.4, je crois que c'est ça. Pour ce qui est Insta, c'est le Top du Portugal, et pour ce qui est Facebook, c'est le Top du Portugal sur Radio RTF. Voilà, vous pouvez nous faire passer vos petits mots, vos petites dédicaces, ce qui vous fait plaisir et envie, et on y répondra. On fera aussi un direct tout à l'heure, un direct Facebook pour que vous puissiez nous voir et interagir avec nous. Mais dans les événements à venir, parce que ça reprend doucement, mais ça reprend sûrement. Il y a une petite animation avec le folklore portugais, l'association Os dos Itens de Limoges, le groupe de folklore de Limoges, qui sera présent au Roussillon, au bar-restaurant Le Roussillon, samedi midi, du moins samedi après-midi, pour une petite animation musicale, quelque chose de très simple, histoire de se remettre en forme. Et il y a un menu du coup qui est proposé à 15€. Le menu, il est sur les Facebook, n'hésitez pas à aller voir l'association Os Itens de Limoges ou sinon Le Roussillon. Vous retrouverez le menu. Par contre, les réservations sont obligatoires puisqu'elles sont limitées au vu de la situation. Donc pour réserver, n'hésitez pas à appeler le 05 55 49 04 40. Je répète, 05 55 49 04 40, ou sur leur Facebook Le Roussillon directement, ils vous répondront, ou en passant par nous, et nous, on vous mettra en lien avec Stéphane, il s'appelle le propriétaire du Roussillon. Et donc du coup, voilà, et nous, vous pouvez nous retrouver là-bas également. On y sera, Eric, samedi midi. Samedi midi, oui, on sera là du côté du Roussillon. C'est ça, exactement. On reprend doucement, mais vraiment, la saison reprendra directement dès septembre. Petite annonce aussi à faire du côté aussi de l'association Os Itens de Limoges. Ils seront présents au Forum des associations, la confirmation est dans la semaine, le Forum des associations de Limoges qui aura lieu du 5 et 6 septembre au Parc des Expos de Limoges. Attention, ça, actuellement c'était à la caserne Marceau, maintenant c'est au Parc des Expos. C'est ce que j'allais dire. Ça a changé. Donc si vous voulez retrouver l'association et toutes les associations de Limoges, c'est le 5 et 6 septembre au Parc des Expos. Voilà, un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent tous les dimanches matin. Les restaurateurs, évidemment, on le dit, les bars, tout ce qui est de portugais par ici et ailleurs, mais aussi aux heures du Portugal, les psychologues qui nous écoutent tous les dimanches matin et qui nous font un petit coucou régulièrement. Non. Si. J'en profite aussi pour saluer une petite épicerie aussi qui nous suit tous les dimanches matin, mais qui n'est pas d'ici, qui est un peu plus loin du côté de Périgueux, qui s'appelle Hola Portugal 24. Voilà, donc du coup, eux, ils nous écoutent tous les dimanches matin et ils ont monté, c'est important de le dire, un concept un peu nouveau. Enfin, nouveau. Un concept nouveau, en tout cas chez les Portugais. Chez les Portugais, parce que c'est le concept, il existe. Il existe depuis longtemps, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. C'est la Hola Portugal Mobile. C'est un food truck en fait portugais qui est pas très loin de chez nous, pour ceux qui nous suivent du côté de Limoges, qui est à Périgueux, donc voilà, dans le 24. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous contacter, on vous mettra en relation avec eux. Et on les remercie encore une fois, on leur fait un petit coucou de nous écouter tous les dimanches matin et de nous suivre, ça fait plaisir. Et puis voilà, si vous avez, ils peuvent nous contacter, et on est là, on est présent. Toujours. On va repartir en musique et on va revenir tout à l'heure pour de nouvelles impôts, de nouvelles infos. Il n'y aura pas la rubrique sport aujourd'hui parce qu'on a perdu notre sportif. Si tu parles d'impôts, je pense qu'on va perdre la moitié des auditeurs. Des infos, des informations. Mais on n'en aura pas en tout cas concernant le foot parce que je ne pourrais pas vous faire cela. Je ne connais pas le foot, ou très peu, même si les Portugais. Donc, on va repartir en musique et on reviendra tout à l'heure pour vous divulguer toujours et encore des nouvelles infos dans le Top du Portugal sur Radio RTF. Est-ce qu'on part en musique? On y va. On part avec qui? Nemanus. Avec Nemanus, la nouvelle? Non. Ah, une ancienne. Très, très vieille. très très vieille. Mais de toute façon, avec Eric, il faut le savoir quand même que sa programmation musicale est des chansons, la première partie des chansons un peu plus anciennes et la seconde partie des chansons plus actuelles. Oui. Oui. C'est parce que les jeunes se réveillent plus tard, donc il faut les passer plus tard. Oui, c'est vrai, c'est une technique. Restez bien à l'écoute sur Radio RTF 95.4 ou sur www.rtf Limoges et sur tous les réseaux sociaux, on est présent et on vous dit à tout à l'heure. Eu esta moda dos beats anda, está por toda a gente a curtir. É a moda do roça, roça, e faz a minha tensão subir. É kizomba, é marrabenta, é kuduro, é funaná. Ficar longe desta moda, meu amor, sem ti não dá. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Está por toda a gente a curtir. É a moda do roça, roça, e faz a minha tensão subir. Roça, roça, que eu vou dar mil sonhos e mil prazeres. Dar-te o mar e dar-te o céu e tudo mais que tu quiseres. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Oh. beaucoup, je crois. A chutos e pontapés, mil machapadas. Quem se mete com mulheres casadas está sujeito. Chutos e pontapés e umas chapadas. Mas quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mulheres casadas eu não quero que abrigo. O que eu não quero eu não dou ao meu amigo. A confusão pode ser de tal maneira. Já todos são poupados, ninguém gosta da brincadeira. Mas uma vez que tu já estás envolvido, tens que ajudar o caso a ser resolvido. É bem provado, a vida é assim. Toma cuidado, senão é o teu fim. É verdade, a vida é assim. Toma cuidado, senão é o teu fim. Quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mas quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mas quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Tu já não podes mais abrir a boca, mas também não podes ficar calado. Tu agora és o principal suspeito e tens que ter respeito, porque agora estás tramado. Mas uma vez que tu já estás envolvido, tens que ajudar o caso a ser resolvido. É bem verdade, a vida é assim. Toma cuidado, senão é o teu fim. É verdade, a vida é assim. Toma cuidado, senão é o teu fim. Quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. Mas quem se mete com mulheres casadas está sujeito a chutos e pontapés e umas chapadas. na noite de São João. Eles vão dar cozinho e elas vêm de balão. Vai a São José dos Cacetes na noite de São João. Eles vão dar cozinho e elas vêm de balão. A Zé saltou a fogueira com uma saia curtinha. Eu não sei o que queimou pelo cheiro, adivinha. Cheirei a tua alcachofra, fiquei a palpitar. Meu mais rico arrebitão, mesmo sem eu o regar. Vai a São José dos Cacetes na noite de São João. Eles vão dar cozinho e elas vêm de balão. Vai a São José dos Cacetes na noite de São João. Eles vão dar cozinho e elas vêm de balão. Tudo na vida lhe corria mal. Eu decidi ajudar um bocado e ficou meu assistente pessoal. Mas com o tempo logo me apercebi na olhada em que me fui meter. Em minha casa ele olha e sorri, fazendo olhinhos para a minha mulher. Ei, tu não olhes para ela não. Sejas assim lá bom. Hey, tu, eu sei que ela é boa, mas é a minha patroa, eu sou o teu patrão. Hey, tu não olhes para ela não. Hey, tu não sejas assim lá bom. Hey, tu, eu sei que ela é boa, mas é a minha patroa, eu sou o teu patrão. Tudo na vida lhe corria mal. Eu decidi ajudar um bocado e ficou meu assistente pessoal. Mas com o tempo logo me apercebi na olhada em que me fui meter. Em minha casa ele olha e sorri, fazendo olhinhos para a minha mulher. Ei, tu não olhes para ela não. Ei, tu não sejas assim lá bom. Mas é a minha patroa, eu sou o teu patrão. Hey, tu não olhes para ela não. Hey, tu não sejas assim lá bom. Hey, tu, eu sei que ela é boa, mas é a minha patroa, eu sou o teu patrão. Saborear, solta-te, liberta-te. Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, se ainda te sentes apaixonada, toda a gente sabe, é uma verdade. Coração que ama não tem idade. Por isso vem, dá-me bem, formiga, é o que a gente tem. A fluir, vai sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Oh, oh. Não tenhas vergonha e sai sozinha. Esta noite tu vais ser a rainha. Põe um salto alto e um sorriso. É desse teu jeito que eu preciso. Por isso vem, sabe bem, formigueiro que a gente tem. A fluir, faz sentir o calor no corpo a subir. Esta noite vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Oh, oh. Aquelas fotos que tu tiras em figuras muito giras e partilhas as maravilhas, porque afinal és como eu e o limite é mesmo o céu. Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. Toda a noite, toda a noite. Oh, oh. Já chegou, é tão bom. Esta noite vou sair, vou dançar até cair. São três dias de prazer que eu vou ter. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Meu, é fim de semana. Vou em quinta-feira, que canseira. Só nas vistas do melhor, volta-te pouco, meu amor, para estar até domingo só contigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Yeah. É de manhã e vejo-te a dormir. Esse cabelo ganho tempo a viajar. Ai, te me perco assim, desejo cá ficar por ti. Conto os minutos para te perguntar. Roubaste o brilho à lua, ao céu e ao mar. Que a vida é bem melhor contigo ao pé de mim, assim. Será que é paixão? Será que é o amor? Acontecer mais perto de saber o que é o amor. Em ti me perco assim, até me falta o ar por ti. Será, será que é paixão? Que é paixão? Será? Quero ficar acordado. Perguntas-me o porquê de me estar a rir. Tenho o segredo mais bem guardado e num abraço apertado cantamos aquela canção como a força do mar num pouco qualquer, mas a calma de um rio, essa pele de mulher, como a brisa que vem numa tarde de verão, és a voz no silêncio, és aquela canção. Entre a prece e o desejo, secreta paixão, rodamos. Tiras-me o chão, corpo seco que mata a sede. E rimos como crianças, talvez já nem haja amanhã. Como a força do mar. a voz no silêncio. És aquela canção. Comme on dit chez nous, le top du Portugal, tout comme tous les dimanches matins de 10h à midi sur le 95.4 du côté de la FM de Limoges et ses alentours ou le www.rtflimoges.com pour tout ce qui est dans le monde, si vous voulez écouter dans le monde. Carrément dans le monde. In the world. On est de retour pour vous passer encore quelques infos. Si vous n'avez pas été là en début d'émission, on va pouvoir le rappeler. Rappeler que les Lusitanos ressortent de leur confinement. Mais pour une petite animation, histoire de se remettre en jambes. Ça se passe du côté du Roussillon, c'est samedi prochain, le 4 juillet, avec un menu spécial. Évidemment, les places sont limitées pour manger parce que les règles sanitaires obligent. Donc du coup, n'hésitez pas à réserver. Vous pouvez aller directement sur leur Facebook, le Roussillon, leur envoyer un petit message privé et réserver votre place. Le menu est à 15€, c'est un menu entrée, plat, dessert, pas portugais, je le précise. Et vous pourrez bénéficier de la petite animation faite par le folklore ou le Zutan de Limoges. Et nous, le TDP, on y sera. Qui sera toi ? On y sera. Qui sera toi ? On y sera. Moi, bon, on y sera. Voilà pour les petites infos. On voulait encore une fois faire coucou et je le rappelle parce qu'on a appris cette semaine que le magasin portugais du côté de Périgueux nous écoutait. Ça fait plaisir, c'est du soutien. Donc, Hola Portugal. Et avec leur tout nouveau concept, la Hola Portugal Mobile. C'est un food truck. N'hésitez pas à les contacter. Si vous voulez une prestation, pas loin de chez vous, ils se déplacent. En fait, c'est principal. Périgueux, c'est pas loin. En plus. Non, c'est pas loin. On est aussi en direct sur Facebook, Eva RTF. N'hésitez pas à venir nous voir et à nous laisser votre petit mot. Là, par exemple, on a Véronique Correa qui nous regarde. Alors, on lui fait un petit coucou. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur Snapchat, le TDP 95.4. On a mis plein de choses sympas sur le Snap. C'est les off de l'émission, c'est les coulisses. Les off. C'est les coulisses de l'émission, vous allez voir, c'est rigolo. Donc ça, c'est pour le Snap. Vous pouvez aussi nous suivre sur le Top du Portugal sur Insta. Il n'y a pas grand-chose aujourd'hui parce que c'est d'habitude Ricardo qui anime l'Insta. Et il n'est pas là. Il anime un peu tout, mais en ce moment, il anime rien du tout. Il s'anime à lui tout seul, à mon avis. il s'anime tout seul. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, le Top du Portugal. Si vous avez des infos, des événements, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous rappeler. En parlant d'événements, on le disait tout à l'heure pour l'association Je vous éteins de l'image, mais une autre petite info concernant cette association, ils seront présents au Forum des associations de Limoges. Ils ont eu la confirmation cette semaine. Et du coup, ils tiendront un stand. Peut-être même qui danseront. Ça se passe du côté de Limoges, au Parc des Expos. Nouvel endroit. Il faut le préciser parce que ça se passe à l'ancienne caserne. À l'ancienne caserne, Marceau avant. Voilà. Et Marceau. Ouais. C'est au Parc des Expos. C'est ça, 5 et 6 septembre de 10h à 18h. Et vous pouvez les retrouver, vous pouvez aller discuter avec eux de leurs multiples activités au sein de l'association. Parce qu'en plus d'être un folklore portugais, et avant tout c'est un folklore portugais, mais en plus ils ont aussi les cours de portugais adultes, les cours de portugais enfants. Et les cours de Zumba. Donc Donc si vous voulez toutes ces infos et vous inscrire pour l'année prochaine, c'est possible. N'hésitez pas à les retrouver. Ils sont aussi retrouvables, si on peut le dire comme ça, sur Facebook, Association Lusitane de Limoges, où vous pouvez appeler la présidente. Et bah, RTF. C'est dur de parler d'une association alors que ouais, c'est compliqué. En tout cas, ici, on est dans le TDP, on ne va pas s'y perdre. On va finir. Tu travailles dans le milieu, non ? Ouais, bah c'est bon, j'ai été abonné quand même. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Benjamin Costa, on le connaît. Il est là des fois avec nous au festival. Ouais. On lui fait un coucou. Elisa De Freitas également. C'est une danseuse, Caroline Diaz, Elisabeth Gomez. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur ce direct Facebook, comme tous les dimanches matins. On rappelle que c'est l'avant-dernière émission de la saison. Donc on sera là la semaine prochaine, mais après on ne sera plus là avant septembre, c'est la trêve. Le TDP est en vacances. Le TDP est en vacances, mais peut-être que le TDP mettra des choses pendant les vacances. Alors l'année dernière, on avait fait une rubrique spéciale artiste au Portugal et toutes les dates. Cette année... Ça va être compliqué, mais on essaiera de vous donner des infos si on en a. De toute façon, dès qu'on en a, on vous les passe sans problème. Et bien voilà, on a dit plein de choses quand même. Les événements commencent à revenir, ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous divulguer vos événements, même si c'est pour la fin d'année. Du coup, on pourra quand même le divulguer et en parler. Ça revient, c'est bien aussi que ça revienne. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. La question, il y en avait une question il y a quelques temps qui disait est-ce que vous partez au Portugal cette année ? Là, les choses se précisent. Donc peut-être que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, ce que vous allez faire. Et tout ça sur notre Facebook. Donc, sur mon Facebook, du coup, c'est le direct, c'est RTF. Nous dire qu'est-ce que vous comptez faire ces vacances-là. Est-ce que vous pensez que c'est bien de partir ? Est-ce que c'est raisonnable ? Mais est-ce que l'envie est trop forte ? Est-ce qu'on veut voir la famille ? Est-ce que, je sais pas, essayez de nous dire ce que vous en pensez. Salut José Manuel Carreras, qui est avec nous. Voilà. On rappelle José, qui nous a longtemps suivis sur le TDP et qui est toujours là avec nous, de Châteauroux. Ramos Fernando. C'est dur à dire. Salut, bonjour à tout le monde. On va repartir en musique, Eric ? Et on y va. On va avec quoi ? Là, c'est plutôt du moderne, hein, parce ouais. qu'il est 11h30, les jeunes sont... Juste une dernière, et puis après, on change de style musical. Attends, juste avant quand même, parce qu'il y a quelqu'un qui nous regarde actuellement, qui oui. vient de se connecter, qu'on peut lui faire un coucou. C'est Antonio Santos. Salut Antonio Santos. Il est réveillé. Il t'est réveillé ce matin de la part d'Eric. On repart en musique, restez bien à l'écoute sur le TDP. Alors tu ne nous as pas dit avec quoi on repartait. Tony Carreño. Ah ben oui, c'est pas très nouveau. C'est pas ancien, c'est récent. Ah, c'est récent. Restez bien à l'écoute sur le TDP, RTF 95.4 ou sur le www.rtflimoges.com. A tout de suite. Ninguém sabe como vai a minha vida, nem a dor que está por trás do meu olhar. A verdade em meu silêncio está escondida, e a saudade só em mim me quer falar. Nem tu sabes porque já não queres saber, nem metade do que fica por contar. Eu nunca mais voltei a sorrir em cada madrugada, e o que foi um dia hoje não sou nada. Estamos tão desiguais. Jamais. E por isso me escondo, só vou mostrando tudo que eu não sinto, mas nunca mais. E assim eu vou vivendo de aparências, a mostrar que estou feliz quando não estou. Mentira não é. é mais que uma defesa. Sofro menos a fingir ser quem não sou. Eu nunca mais partei a sorrir em cada madrugada. Eu que fui um dia, hoje não sou nada. Estamos tão desiguais. Jamais. E por isso me escondo, e só vou mostrando tudo o que eu não sinto. Mas nunca mais. Eu senti e fiquei perdido. E não me encontrei jamais. Sentido. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá, estás diferente, mas eu sinto o mesmo que a ter-te amado. Seguiste o teu caminho, ando perdido, mas sei que me custa aceitar, só o tempo vai curar. Eu não sei o que fazer só para te ter. Para ti foi só um olá, estás diferente, mas eu sinto o mesmo. Queria ter-te amado. Sinto o mesmo. Queria ter-te amado. Mas eu dou tudo o que tu voltas pra mim. Perguntas como estou, mas já não sou aquele que tanto já perdoou. O amor que tinha por ti vazou. Sabes que eu já não volto mais. Eu já não volto mais. Eu já não volto mais. Chega. que eu me solto e ela sempre tenta me apertar. Pois eu prendi na teia dela. Mas o teu gelo vou derreter. Com isso de um nome pra onde eu vou. Não é que eu não queira mais. Alguém me mudou. Só nós dois. Nós dois. Nós dois. Prometo que eu fico. Quero dizer que vai fazer de composto. Espero pela tua voz quando toco um aborto. Desde aqui, tu está dando uma vez. Fez-me sentir que o nosso mambo é outro. Acho que tá na hora. Manda a lágrima embora. Essa chuva evapora. Até de manhã, gosta de ver sonhar. Ela não sabe o nome dele, tem medo de perguntar. E se as promessas caradas foram bebida a falar? E ele não contou, mas ela não escondeu. Com quem a noite passou, jura ela seu Romeu. Ele quer mais, ela também. Talvez por isso nesse dia ele foi vê-la à luz do dia. Ele gosta das formas dela e ela diz que ele tem mau ar. O mundo finge não saber que ele não é rapaz de fiar. Ela tem um novo sorriso, mas medo de o partilhar. Ele gosta mais do que é preciso de a desafiar. Ele que sabia de cor as moças mais fáceis em gatos mais rascas. Ela que ficava em casa fechada com medo de ser só mais um rabo de saias. Gosta dela de pijama e ela de o corrige. Ela agora diz que o ama, dorme no chão a dormir. Gosta dele desarmado e ele de ver espinho. E as velhinhas na cidade sussurram no meu tempo não era assim. Onde já se viu dois enamorados com cara de barbos antes dela dizer que sim. Descer aquelas escadas, ganhar coragem, perguntar e como raio te chamas. Ela fingiu-se de irritada, ofendida pela trama. Ganhou coragem para o amar, perguntou e tu como raio te chamas. Understand. vi amada ser queimada com todo o rancor. Vi famílias desoladas sem nada mas dor. E nos olhos da desgraça vi uma dama estor. Uma dama estor. Pergunta a toda hora quem chora pela herança que outrora não foi lembrança. E agora na esperança de voltar a ver erguida a sua vida, consumida pela chama, chama por vender guarida. Casas em casos arrepiantes, nas praças fulminantes, por causas alucinantes. Abraços manifestantes à caça desses mutantes, deixando os lenços brancos aos nossos governantes. Agora são tantos os empresários com cursos de incendiários, sem cursos mas com pressário, com cursos de milionários a fazer de nós otários, que falam a nossa língua com cuspo no dicionário. Um fogo armado para um povo que desarmado lutou pelo legado furtou, Diniz deixado. Então venha agora o sapatinho infernizado pisar o nosso legado no terreno infernizado. De reportagens, montagens sentimentais que estas desgraças nos trazem, com falsas abordagens por quem cria as nossas leis, em mensagens mais vazias do que embalagens de leis. Deixo uma homenagem à coragem deste povo que usavam as próprias lágrimas só para apagar o fogo, vendo as vidas destruídas neste jogo que pede sempre o que perdes para recomeçares de novo. Proclamados de come e cala numa sala onde fatos que calam falam e factos que calam, mas só calam quem tem palas, só pactos que valem, bolsos mais cheios do que intactos dos sacos de pólen. Nós vamos renascer das cinzas tipo um fênix. Ouçam o que eu disse, tenho toda a fé nisso. Porque esta fama de país conquistador já em tempos derrotou a Damastor. Na espada da ponta é rica a enxada do Zé Vizinho. Manchar contra esses ricos que acabam com este cantinho. E sabem o que é mais triste? É ver que pelo caminho ficaram mais do que contos, que os contos de Pedro Pinho. Mas sempre combatemos ao cheiro que o fumo emana. Somos nosso orgulho desta raça lusitana. E engana-se quem nos chama de cobardes na tristeza. Que eu bato de frente em quem bate a nossa mãe natureza. Du TDP, on se retrouve juste pour se dire au revoir et pour vous dire qu'on sera là dimanche prochain et que ce sera la dernière de la saison et qu'on reviendra la semaine et au mois de septembre pour de toutes les grandes aventures. Et on reviendra la semaine prochaine, ça c'est sûr. Oui, voilà, on revient la semaine prochaine, mais après on revient plus jusqu'en septembre. On va y arriver. 2 mois de vacances quand même, Fred. Un mois et demi. Puis on en a eu un mois et demi aussi pendant la saison. On se la joue cool, hein. Mais c'est parce qu'on prépare les prochaines émissions de septembre qui seront top. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez encore nous retrouver sur le direct qu'on a fait live à RTF. Vous pouvez laisser vos commentaires, on les diffusera, on passera vos messages la semaine prochaine. Et nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas à l'antenne qu'on n'est pas là. C'est tout, Eric, c'est tout ce que tu avais nous annoncer ce matin. J'ai pas grand chose à t'annoncer. Quel dommage. Bon, et ben on se retrouve dimanche prochain. En attendant, bon dimanche à tous. Salut Eric. Ciao, ciao. Ciao, ciao à tous. Bon dimanche. festa. Ela disse mais abaixo temos festa. E então eu fui mais abaixo, dei-lhe um beijinho na boca. Ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louca. Beating